Bonsoir tout le monde, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 521 qui nous réunit aujourd'hui le 2 février 2022. Donc notez bien que ça fait 020222. Voilà, c'est pour rien. L'album de la semaine, c'est Love des Beatles, sorti en 2006. On écoutera Get Back, on écoutera I Am The Walrus, on écoutera le medley extraordinaire Drive My Car The World What You're Doing, également For The Benefit Of Mr. Kite, I Want You She's So Heavy, mêlé avec Alter Skelter. Ce sera fantastique, j'adore ce morceau. Il y aura A Day in the Life et All You Need Is Love. Mais on ne s'arrête pas là, parce que c'est comme ça, on vous offre toujours plus à la saga des Fab Four. Il y aura du McCartney, du Lennon, du Harrison et du Starr. Pour McCartney, I'm Caring sur London Town en 1978. John Lennon nous chantera Working Class Hero sur Plastic Ono Band en 1970. Quant à George Harrison, ce sera la cover d'une chanson de Bob Dylan, Abandon Love. Et Ringo Starr nous chantera Bye Bye Blackbird sur son album Sentimental Journée, qui avec le temps est un très très très très bon album qui va très bien à la voix de Ringo Starr. Donc je vous invite à nous retrouver sur le groupe Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four sur www.rgfm.fr. On est le petit topic qui est tout en haut. On va se dire bonjour et puis tout va bien se passer. On est ensemble de 20h jusqu'à 22h, 2 minutes. C'est souvent, on a toujours un petit peu de retard. Donc ce sera comme ça. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'album Love, c'est un album très original, mais on s'en expliquera juste après. Que la fête commence. And if my reappears ne me lasserai jamais de la voix de Paul McCartney en 1978 sur l'album London Town. Quelle belle chanson, I'm Caring. C'est une chanson qu'il avait composée alors que sa femme était dans la maternité, j'étais en train de chercher le mot, en train d'accoucher de ce fameux James McCartney. James McCartney qui était vu dans les rues de Londres avec une grande barbe, l'air tout à fait désespéré. Bah oui, il a plus de 40 ans et il n'a pas le passif dans le bon sens de son père, c'est-à-dire que son père à plus de 40 ans avait déjà toute une vie derrière lui et mondialement connu, et James McCartney n'est connu que parce qu'il est le fils de Paul McCartney. On fait ce qu'on peut. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. The pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. You if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. Class hero is something to be. Keep you doped with religion, sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. To be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Il est assez amusant, étonnant de noter que en 1969, le dernier album enregistré, c'est bien Abbey Road. On est d'accord, ça n'est pas les Titby, même s'il est sorti après. Un album sophistiqué, à mort, avec une idée géniale de faire des petits bouts de chansons et de les agencer de façon à ce que ça fasse un tout. Même si ça ne plaisait pas à John Lennon, mais ça plaisait à Paul McCartney. Et qu'est-ce qui se passe en 1970? Eh bien, bon, Ringo Starr sort un album qui est issu des années 30, 40, 50, de vieillerie, on va dire, mais c'est très bien. Et également un album de country. Bon, McCartney fait un truc très très simple, enregistré chez lui, et John Lennon fait un truc très très simple, enregistré chez lui. Enfin, enregistré, je suis dit, non, c'est pas vrai. Mais je veux dire, il y a le contraste entre 69 et 70. 69, on y va à fond dans le maximum de réenregistrement qu'on peut faire et tout ça, etc. Et en 70, on revient au basique, on revient au simple, comme cette chanson Working Class Hero. Bon, je n'ai pas parlé de George Harrison, lui, il a fait compliqué. Mais il a fait compliqué parce qu'il retenait des tas de chansons qui avaient été refusées par ses deux ex-potes, même s'ils étaient potes quand même, que sont Paul McCartney et John Lennon. Il avait retenu tout ça et quand il l'a libéré, comme une grosse constipation, disait-il lui-même, eh bien ça a donné le fantastique album All Things Must Pass. On retrouve, tiens, George Harrison dans une chanson qui est une démo. C'est un petit plaisir qui s'est fait de reprendre des chansons de Dylan. Il l'a fait régulièrement. Et voici Abandoned Love sur RG. RIG 90.7

2006. Il s'agit là de la bande originale de l'ambitieux spectacle monté à Las Vegas par le Cirque du Soleil. L'amitié de George Harrison avec le patron de la célèbre compagnie est à l'origine de cette initiative qui mettra plusieurs années à voir le jour, mais trop pour que George puisse apprécier de visu son époustouflant résultat. Il a donc été envisagé de créer spécialement pour l'occasion un patchwork original utilisant les grands standards du groupe mêlés à des plages moins convenues, enchaînées, superposées et mélangées les unes aux autres sans souci de chronologie ou de ligne directrice contraignante. Le grand mix en toute liberté, une fresque sonore dans laquelle s'empilent par couches et touches successives les couleurs éclatantes de la riche palette du groupe. La technique utilisée ici est celle du mash-up. Autrement dit, l'addition de multiples pistes de provenance diverses. Love est une expérience sonore littéralement fascinante. Et pour les grincheux qui disent « c'est un scandale d'avoir utilisé ces chansons-là pour en faire ça », eh bien, McCartney lui-même répondait la chose suivante « si ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours écouter les disques classiques des Beatles ». To do.

Jusque-là, ses seules contributions avaient été les titres de A Hard Day's Night, 8 Days a Week et Tomorrow Never Knows, et encore. 8 Days a Week, il y a une autre supposition que c'était un chauffeur de taxi qui aurait dit qu'il travaillait 8 jours par semaine. Pas sûr. Faudrait demander à Paul. Mais Tomorrow Never Knows et A Hard Day's Night, c'est une certitude. Ainsi qu'une contribution musicale à Flying et à What Goes On. Lorsqu'on lui demanda en décembre 67 s'il était tenté par la composition, il répondit « J'essaie, j'ai une guitare et un piano et je connais quelques accords, mais ça ne va jamais très loin, aucun chef-d'œuvre n'en est encore jamais sorti. » En fait, il essayait depuis des années de faire enregistrer « Don't Pass Me By » aux Beatles. Dans une interview qu'ils donnèrent à la radio en Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Zélande, durant leur tournée de 64, on peut entendre Ringo demander aux autres de chanter la chanson que j'ai écrite pour une seule prise. Et Paul répond en disant « Ringo a composé une chanson qui s'appelle Don't Pass Me By ». Une très belle mélodie, c'est sa première composition. Après que Paul et John en eurent chanté un couplet, Ringo dut répondre à d'autres questions. Je l'ai écrite dans un style country et western, mais d'entendre Paul et John la chanter avec cette teinte de blues m'a impressionné. Est-ce que les Beatles vont l'enregistrer? Je ne sais pas. Je ne crois pas d'ailleurs. J'essaie de la placer à chaque fois qu'on fait un disque. Elle resta inédite encore 5 années. Malheureusement, nous n'avons jamais assez de place pour mettre une chanson de Ringo sur l'album, expliqua Paul en 64. Il ne les termine jamais. Un petit peu du faux cul. Mais bon. En tout cas, ce qui était amusant, je l'ai de la bouche même de Ringo parce qu'il avait fait une émission en 1982. Qui était passé en France, qui s'appelait Ringo's Yellow Submarine, et il disait que il avait vraiment le chic de créer une chanson qui existait déjà. À chaque fois qu'il pensait avoir quelque chose, les autres lui disaient non, ça a déjà été fait. Oui, mais c'est pas facile, hein. Je dois avouer que je ne saurais pas du tout créer une chanson. Là, c'est tranquille. Rocking Chair à Hawaï. C'est dans le dernier George Harrison. L'album s'appelle Brainwashed. To the river, gonna take me my rocking chair. Going down to the river, gonna take me my rocking chair. And if the blues don't play, gonna rock all the way. Shine. If you want me, woman, please don't pass me by. I love those sideways glances, your shoulder and your thigh. Still busy hiding what it is you've got. And if you're frightened of losing what you like a lot, you may be cruising backwards while thinking that you're not. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais La musique nous donne une impression de soleil et de tranquillité à Hawaï. Ouais. C'est vrai, il n'aurait pas pu placer ça dans New York, en plein dans la circulation. On n'avait pas du tout la même atmosphère. Bref, vous êtes bien sur RIG 90.7 pour ceux qui écoutent en FM. www.rigfm.fr pour tout le reste du monde, y compris Bordeaux, puisque vous pouvez l'écouter sur le net si vous le souhaitez. Peut-être êtes-vous en train de manger des crêpes, parce que c'est la Chandeleur aujourd'hui, donc n'hésitez pas à commander des crêpes. Je connais une superbe crêperie à Talence qui s'appelle Twist & Crêpes, je leur envoie le bonjour, et commandez une crêpe pour moi. Tiens, une crêpe au sucre, ça ira très très bien. Celle qui me l'apportera au studio, je lui ferai une énorme bise, avec le masque quand même, on ne sait jamais. Allez, l'album de la semaine, c'est l'album Love, parce que c'est le meilleur truc à faire toute l'année, tout le temps. Sorti en 2006 du Cirque du Soleil, et le titre que je vous propose est un medley de Drive My Car, The World, What You're Doing, etc. C'est très très bien fait par George Martin et son fils Gilles. Will the thrill to never stop? sand. McCartney, il y a 9 ans déjà, en 2013, sur l'album New, et cette chanson Early Days. J'aime beaucoup la remarque de Pascal sur Facebook qui met sur cette chanson, Paul a su exploiter au maximum sa nouvelle voix, et c'est très très bien, c'est vrai. C'est vrai qu'en concert, je ne suis pas du tout confiant, mais au niveau des disques enregistrés en studio, il arrive à cacher les faiblesses de sa nouvelle voix, et ça se passe encore très très bien, il nous fait de la qualité, mais bon sang, monsieur, dame. Il est connu depuis les années 60, il fait de la musique depuis les années 60 et il fait encore de la très très bonne musique. Je dois avouer que son dernier album, McCartney 3, je ne l'écoute pas, ou peu en tout cas, mais New, j'adore. L'album suivant, la Egypt Station, c'est vraiment un de mes favoris. Je l'écoute très très souvent et en entier. Et bah, qu'il continue encore à nous faire quelques albums, ce serait bien, hein Paul? S'il te plaît, continue, ne lâche pas la rampe. Ça, c'est un amusement, je pense, de George Harrison. C'est une reprise aussi. I Really Love You en 82 sur l'album Gone Trouble. J'aime bien la façon dont ils utilisent la voix, justement. Oh yeah. Ah, dirigé, 90.7. La radio des Beatles. Justement, une chanson extraite de l'album Egypt Station, un petit message de la radio.

troisième single du chanteur américain Larry Williams, sorti en 1957. Le titre rencontre à l'époque un certain succès en atteignant la 14e place du Billboard Hot 100 aux États-Unis. Il a ensuite été repris par de nombreux artistes, notamment Richie Valens et, à votre avis, oui, John Lennon. Et on revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album Love, sorti en 2006. Voici For the Benefit of Mr. Kite, etc., etc., etc., parce qu'il y en a beaucoup. For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there, late of Pablo Frank is there, what a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. Celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. This is K and H, assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the waltz. The band begins at 10 to 6 when Mr. K performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate 10 somersets he'll undertake on solid ground. Thing being some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight Mr. Kite is topping the bill. Nous sommes à la cover. Nous allons remonter les années pour la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit pendant les Beatles ou en carrière séparée, qu'ils reprennent une chanson de Chuck Berry ou qui vous voulez avant les, pendant les Beatles ou comme l'a fait John Lennon il y a quelques instants, reprendre Bonnie Maroney de Larry Williams en 1975. Eh bien voilà, c'est une chanson chantée par quelqu'un d'autre que les Beatles, mais eux l'ont chantée. Eh bien, cette fois-ci, nous allons remonter aux origines de la chanson. Je ne suis pas sûr que ce soit l'origine, mais en tout cas, on remonte loin. C'est Accentuate the Positive. C'est extrait d'une bande originale de film. Le film s'appelle Licorice Pizza. C'est sorti en 96. Mais c'est surtout là que je veux en venir. C'est chanté par Bing Crosby and the Andrews Sisters. Autant vous dire que ça date. Écoutez. To accentuate the positive, feeling my name.

sais pas vous, mais j'ai pas senti de différence entre la version de Love et la version du chef-d'œuvre de Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band. Comme quoi, il n'y avait peut-être rien à ajouter, rien à enlever. C'est trop beau, c'est lui le meilleur. Alors que c'est Ringo Starr qui le chante en 1973. Voici la version de John qui indique à Ringo comment chanter. Ok, ok. Should we try another one? It's the intro that we're worst on now. A bit slow, isn't it? Yeah. Yeah, do four on the tom-toms or something. About four. Ok, should we try it? Ok, boys, this is it. One, two, three. Four. When I was a little boy, way back home in Liverpool, my mama told me I was great. Alors ça, c'est la démo pour montrer à Ringo comment chanter. Ringo est déjà à la batterie à ce moment-là. Voici la version finale avec Ringo. Je suis le meilleur, dit Ringo. When I was a little boy, way back home in Liverpool, mama told me I was great. Then when I was a teenager, I knew that I had got something going. All my friends told me I was great. Took me by the hand, and you know what she told me? I was great.

dans un gros quart d'heure. Je dis bien gros quart d'heure. Ce sera Eric et sa superbe émission Johnny de A à Z. Pour l'instant, une dernière fois l'album de la semaine et ce qui a toujours été le message principal des Beatles. All you need is love sur RG. Cette reprise, Got My Mind Set On You, numéro 1 en 1987 par George Harrison, et son retour après 5 ans de silence entre Gontropo et l'album Cloud Nine, on n'arrête plus rien. Voici The Ballad of John and Yoko. Inside in a sack, the men from the press said, we wish you success. It's

rester jusqu'au bout. Dans quelques instants, ce sera Eric et Johnny de A à Z. Et je sais que ça va être très très bien. Je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour d'autres aventures. À très bientôt. Bisous masqués aux filles, poignées de main sans masque aux garçons. À très bientôt. Ciao.